keri la varia wada mo kata kiria ade yele awa sa o yambala ga yamboto agabrio enda bole obaya il essaye. Il est temps d'échanger nos habitudes, nos habitudes quotidiennes. Il faut changer. Corona est là dans nos murs à Wali Kale. Nous devons prendre des précautions contre ce pandémie mortel. Stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Stop, stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Stop, stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Stop, stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Batatereo, eh, no va maleo. Makinga, no va se que la e Makungo eh no va na o Lusambo luna neluno Shilola gakuluno eh Makiri mesha basungu eh Besho bini na tatu na makutenda o Kweso matela neluno Lusambo koga maboko eh Koga na silinge Sabunyo nani na lwito Mali abe kwensha miango Shibitere saka bika ule mba nage nabo Papa mama, jomi kengela Sokyo moni sentome na nzoto tika kolala Benga sanef, sadis, oproteje baninga Abem, bisiye mining Aliase loa, na raisi wa inchi Watu amesema tujikinge na corona Corona stay where you are, don't come ndani ya weke Umeua wengi ukukweta tukutake Waga hero Baba kolo kolo ane vandivaya mikolo kolo mali Mubasha mulole kwa malwa la matu itire tata Matu itire ye Mera matuma kiroka angikuwa wakwa mino mali ye Mali twafire Kari watambaye wende wabika kiraka angikindu kwa vunu Kwa vunu Batimbo muvai kwa mateta Kwa kuchilonga na mano malwa la makoro Biye mire kutola meshi Wanatola na sabuni Wanao kwa mino wanatole mushware Kanji utakesanya mwanjira tatae Mwakukohola wanabika mkuboko kwa bunu Teste ya sani prense unui Stop, stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Stop, stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Stop, stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Stop, stop, coronavirus, stop. Stop, stop, Awali Kale, stop. Kara tayo spend it money. Nisonanga kuture mwasi uno. Ushone kigai nchikiri shange makonye Humatinga mukikono cha harubi Tichakurishie makoni Humaninga na mine Tiakurishie makoni Kariko hora ngongo na uria mine mubunu tirakurishie makoni Herata jo spendi timani Makoni ya coronavirus inge ino ya tiere kukwitue Na kuture mwasi mahano Ae mahano Kinwa kino kebungange uno Shua mine kirotu kirantambi Kubikia makise rie kubako Umafuneri ya cheri hirare Tacho chamukurishie coronavirisi Bishisharubino Jo spenti timanie Musimbi wabanantaku Tuchikinge na corona Wali Kale Kujikinga na magonjwa ya coronavirus Iko na tabaka tano Ya kwanza ni kwenda kwenye kantine ya maji. Tabaka ya pili ni kupakala sabuni. Tabaka ya tatu ni kupakala pofu kwenye mikono sana. Na tabaka ya ine ni kunawa maji ili pofu yote izidi kuisha ndani ya mikono. Na tabaka ya tano ni kukamata serviette kisha kupanguza mikono na kutupa hiyo papier mbali ndani ya choo, sababu isiambukize watu magonjwa ya coronavirus. Hapa ni artiste Juma Masudi. Stop, stop, coronavirus stop. Stop, stop, awalikale stop. Stop, stop, coronavirus stop. Stop, stop, awalikale stop. Stop, stop, coronavirus stop. Stop, stop, awalikale stop. Stop, stop, coronavirus stop. Stop, stop, awalikale stop. Otimbi, natimbeli yo corona. Virus ya mabe, natimbeli yo corona. Ei, na walikale na lodino. Okosa kiba italien, okosa kiba japonais, okosi amerika, okosi ba chinois. Walikale na lodino, no, okokota jamais. Five na lobi corona stop, five na boy corona. Walikale tolobi stop, stop, stop. Prenez des mesures pour vous protéger. Nettoyez vos mains régulièrement. Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes. Et surtout, après avoir été dans un lieu public ou après avoir soufflé votre nez, toussé ou éternué. Il n'existe actuellement aucun vaccin pour prévenir la maladie du coronavirus. La meilleure façon de prévenir à cette maladie est d'éviter d'être exposé à ce virus. Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées tous les jours. Cela comprend les tables, poignées, des portes, bureaux, téléphones, les claviers, toilettes, robinets et évier. Respectez les espaces, un mètre avec l'autre. Ouvrez le nez et la bouche avec l'aide de masques stérilisés. C'est ça, c'est protéger contre ces pandémies. Protégeons-nous. Coronavirus, c'est mina yona fo. Popote na popita inaua watu trop. Uku kwetu si tunasema no, stop. Rigi mane sema now, stop. Juju kanye. Beke lembe. Beke lembe ndo batika suwe. Mpande na corona. Kabeni na bisi na njaga keka kakilo. Aba ojigawa. Sande ovatia kilo. Aba ojigawa. Na uwe mpande kona corona. Sande ovikande. Oba oba obisa njaga koko. Au ka kilo, oba ugiabe ukwe kilo, oba ujigane. Abeno giande be ufatia kilo, oba ujigane. Sande umpande mpande nda ana corona, oba umuvanjaga, oba ujigane. Sande obisa njaga kokiso, oba ujigane. Sande obisa ande njaga kokelo, oba ujigane. Sande obisa ande njaga ko Kape noko, oba ojigane. Sande obis okola ande, oba obisa njaga kukaka kukula. Kape noko njibe kojige meno, corona ube na kema imoti itano. Ndo obise kamu ako. Kema imoti oba sokusa njaga ako. Kema ibe, oba utundwa saboni. Kema isalo, oba utikima njaga ako. Na pofu wa saboni nito. Oba utiki mau amapita kabisa. Oba utiki manjaga ako amapita. Mkino oba ukakosi hivu akubeli. Oba ubisa hivu oba usokosa njaga ako sabuni buli buli atoke itanoli oba utondwa njaga ko oba utondwa na mushale njoba tiki maneka njaga oba umakau oba umakau kalelea besu bakumu bebange malali ndoba uja coronavirus stop stop coronavirus stop stop awalikale stop stop stop coronavirus stop stop stop awalikale stop stop stop coronavirus